Bonjour, ici Valérie Levé, vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Les plaques, c'est le point commun entre les deux sujets de l'émission ce soir, deux sujets qui n'ont pourtant rien à voir, qui n'ont aucun point commun sauf ce mot plaque. Plaque pour tectonique des plaques et donc géologie, ça ce sera pour 18h30, et plaque pour sclérose en plaques, et ça c'est pour tout de suite. On lit sur le site de la Société canadienne de la sclérose en plaques que cette maladie touche 90 000 personnes au Canada et que le Canada affiche l'un des taux les plus hauts de sclérose en plaques dans le monde. Pourtant, on n'entend pas tellement parler de cette maladie. C'est pourquoi j'ai invité Maxime Cusick. Il est étudiant à la maîtrise en médecine moléculaire au laboratoire de Steve Lacroix au Centre de recherche Cerveau, qui est affilié à l'Université Laval. Et justement, son projet de maîtrise à Maxime Cusick porte sur la sclérose en plaques. Bonjour Maxime. Bonjour Valérie. Alors Maxime, j'ai dit en introduction que 90 000 personnes au Canada sont touchées par cette maladie, la sclérose en plaques. Mais plus précisément, en fait, est-ce que ce sont autant des hommes que des femmes? Est-ce qu'on est touché à n'importe quel âge? Qui sont plus précisément ces personnes qui sont atteintes de la maladie? Tout d'abord, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui effectivement touche plus de 90 000 personnes au Canada. Donc oui, on est là, l'un des pays les plus affectés par la maladie. En fait, pour chaque homme qui a la sclérose en plaques, ben, il va avoir deux femmes qui vont l'avoir. Donc, je dirais que c'est environ là, 67% des femmes et 33% là, des hommes qui ont la maladie. D'accord. Et est-ce que à quel âge est-ce qu'on ça, cette maladie se déclare? Ah oui, pardon. Dans le fond, c'est une maladie qui se déclare assez tôt si on compare là, à d'autres maladies comme l'Alzheimer, le Parkinson. Mm-hmm. Effectivement, ça peut se déclarer à environ 15 à 40 ans. La plupart du temps, c'est 20-25 ans. Fait qu'on s'entend qu'en plus là, d'avoir une maladie neurodégénérative, ben c'est un diagnostic qui vient pas mal casser là, nos plans ambitieux de jeunesse. Et oui, ça doit pas être un diagnostic très intéressant à recevoir. Mais en fait, comment ça se manifeste justement, cette maladie? Quels sont les symptômes? C'est une maladie qui est très insidieuse parce que justement, on la voit pas. Il y a rien là, comme de visible à l'œil nu. C'est aussi une maladie qui est progressive. Fait que tout d'abord, on peut avoir, par exemple, des engourdissements à l'extrémité, aux bras, aux jambes. Parfois, on parle aussi d'une douleur oculaire, puis des fois, des douleurs un peu inexpliquées. Des fois, on se dit « Ah, c'est un nerf de coincé ». Mais si c'est des symptômes là qui sont, mettons, constants pendant quelques semaines, ben des fois, ça peut être pire. Aussi, des fois, ces symptômes-là apparaissent, mais vont disparaître justement au bout de quelques semaines pour, au final, apparaître là, un peu plus tard. Donc, c'est une maladie qui peut être assez difficile à, mettons, s'auto-diagnostiquer. Si je peux dire, qui est assez difficile à dire « Ah oh non, il y a quelque chose là qui marche pas ». Ben exactement, parce que c'est peut-être des symptômes qui peuvent être confondus avec on est peut-être fatigué, on est peut-être mal parce qu'on a trop, on a été forcé. En tout cas, il peut y avoir peut-être, ça peut être des symptômes un peu mêlants, qui peuvent être confondus avec d'autres problèmes de santé peut-être. Donc comment on fait le diagnostic? Alors le diagnostic, mettons qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui marche pas, puis là on se rend en clinique. Le diagnostic de sclérose en plaques, ça passe surtout d'abord par un procédé qui s'appelle l'imagerie à résonance magnétique ou IRM. Alors avec cette technique-là, on va voir carrément des plaques dans le cerveau qui correspondent à des zones qui sont atteintes par la maladie. Puis une chose qui est importante là, qu'on nous apprend assez tôt, c'est qu'il faut que ces plaques-là soient, ce qu'on dit, disséminées dans le temps et l'espace, c'est-à-dire que les plaques doivent être à des endroits différents, à des moments différents, pour confirmer le diagnostic de sclérose en plaques. Il y a aussi d'autres façons parallèles, il y a aussi d'autres choses là, qu'on peut regarder pour accélérer le processus. Par exemple, si on voit ce qu'on appelle des anticorps contre ce qu'on appelle la gaine de myéline qui entoure nos neurones dans le cerveau. Alors, si on retrouve des anticorps comme ça, ben ça peut le diriger vers un diagnostic de sclérose en plaques. D'accord. Et en fait, plaques, c'est ça, c'est des plaques de quoi, en fait? Ben, dans le fond, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est auto-immune, c'est-à-dire que les cellules immunitaires du patient vont se retourner contre lui, puis vraiment aller attaquer justement cette fameuse gaine de myéline qui entoure les neurones. La gaine de myéline, là, elle sert à aider les neurones à transmettre l'information. Puis à mesure que cette gaine de myéline-là, elle se fait dégrader par nos cellules immunitaires, bien ça va créer justement une espèce de plaque qu'on voit en IRM à cause là, des différentes molécules qu'on met pour voir le signal. OK. Donc c'est pas quelque chose qui se rajoute, qui forme des plaques, mais c'est à cause d'une dégradation de cette fameuse gaine de myéline. Exactement. D'accord. Et donc ça, cette dégradation, elle se déplace, tu disais, ça fait des plaques qui se déplacent dans le cerveau, ça veut dire comment ça se fait que les plaques se déplacent s'il y a une dégradation? Ça veut dire qu'il y a une réparation? Oui, effectivement. Oui. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui, dans la plupart du temps, elle est cyclique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une phase, les cellules immunitaires vont se mettre à attaquer la myéline puis à la détruire, mais ça s'arrête, fait qu'il peut avoir là, une réparation de cette myéline-là. Puis, lors d'une autre poussée, ben, les cellules peuvent attaquer à un autre endroit la myéline dans le cerveau, fait qu'ainsi, ça crée là, différentes plaques qui, sans que la plaque elle-même se déplace, ben, ça va créer plusieurs trous. Okay. Si je peux m'exprimer ici dans le cerveau. Et donc, à chaque fois, à chaque cycle, est-ce que c'est les mêmes symptômes? Parce que, comme tu disais, il y a quand même une variation de symptômes. Est-ce que c'est les mêmes symptômes qui se reproduisent ou est-ce qu'ils sont amplifiés? Comment ça évolue? Il y a des symptômes qui peuvent souvent revenir, donc je pense notamment à la fatigue là, qui revient chez la plupart des patients atteints de la maladie. Il y a aussi des douleurs chroniques qui peuvent revenir assez souvent. Sinon, un des trucs les plus complexes, ça, c'est les troubles neurologiques, les troubles cognitifs, parce que justement, dépendamment de où les plaques se forment, ben on peut s'attendre à ce que les symptômes soient différents, là, dépendamment des zones qui sont affectées. Donc oui, les symptômes pourraient être appelés à changer. Par contre, si on est à un stade plus avancé de la maladie, on peut voir là, carrément une dégradation du neurone lui-même. Fait qu'à un certain point, les connexions sont détruites, puis aucun point là, de retour. Et est-ce que l'évolution est la même un peu pour tous les patients ou est-ce que chaque patient, finalement, c'est une histoire personnelle? C'est très différent. Chaque cas est unique, justement parce que les lésions peuvent être à différents endroits. Par exemple, j'ai eu la chance d'interagir là, avec des patients qui ont la maladie. Une patiente pouvait me raconter son histoire, puis l'autre patiente à côté me dit « Ah non, moi ça m'est pas du tout arrivé. Moi, à la place, j'ai eu ça. » Fait que ça dépend vraiment des médicaments qui sont utilisés, mais aussi chaque personne va avoir des symptômes qui peuvent se ressembler, mais qui vont le différer. D'accord. Et au début aussi, on disait le Canada est particulièrement touché par cette maladie. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que c'est une question génétique, je ne sais pas, de climat, d'aurore boréale? Je ne sais pas. Malheureusement, on n'a pas la cause exacte de la maladie. Par contre, on a certains là, indices qui peuvent nous dire. Donc, oui, les pays nordiques ont une prévalence là, de la sclérose en plaques plus élevée. Surtout aux États-Unis, c'est frappant. Les États du Nord ont plus de cas de sclérose en plaques que les États du Sud, toutes proportions gardées. Donc, oui, la vitamine D, donc l'exposition au soleil, semble avoir un lien sans qu'on ait réussi là, vraiment à établir une cause. Il y a aussi certaines études qui parlent du fameux virus Epstein-Barr, donc un virus qui cause la mononucléose. Par contre, c'est encore contesté là, en ce moment. Fait que c'est vraiment des facteurs génétiques, mais aussi notre environnement peut contribuer à la maladie. C'est un mix là, de tout ça. Est-ce qu'on la retrouve aussi dans les pays scandinaves? Oui, les pays scandinaves sont aussi là, beaucoup touchés par cette maladie. Oui, exactement. J'ai pas les chiffres exacts, mais oui, ça ressemble à peu près au Canada. Alors, en fait, bon, là, tu disais, il y a des patients qui sont, qui reçoivent ce diagnostic assez jeune, on va dire, 25, 30 ans, c'est quand même jeune, ça peut bouleverser une vie. Ils ont quoi comme qualité de vie, en fait, les gens? Comment ils vivent ça? C'est une question qui est pas évidente à répondre, en fait, considérant que chaque personne va avoir une évolution différente de la maladie. Ça va dépendre surtout des médicaments qui sont donnés. Il y a des médicaments qui sont assez forts, en fait, puis qui peuvent là, ralentir considérablement la progression de la maladie. Par contre, ça va être plus ou moins, je dirais, une histoire différente à chaque jour. Surtout, si je prends l'exemple, ces patients-là sont plus affectés par la chaleur. Donc, la chaleur peut exacerber les symptômes de fatigue et autres. Fait que, je dirais qu'en gros, ces gens-là peuvent avoir une qualité de vie relativement normale, mais c'est important d'écouter son corps. Par exemple, ils peuvent se fatiguer plus vite qu'une autre personne, mm-hmm. ou encore ressentir de la douleur chronique. Fait que vraiment, chaque jour, c'est à voir là, c'est quoi leurs limites. Mm-hmm. Mais effectivement, ils peuvent vivre une vie, sans dire normal, vivre une bonne vie, puis faire les choses qu'ils aiment. Là. D'accord. Donc, est-ce qu'ils peuvent, par exemple, travailler? Ils peuvent avoir, ils peuvent faire diverses activités? Ils peuvent faire tout ça. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça demande une certaine flexibilité, je dirais, de la part de l'employeur, par exemple. Donc, ces personnes-là peuvent se lever un matin, puis « Ah, ça fonctionne pas, mm-hmm. la fatigue, elle est trop grande ». Donc, c'est important quand même de se garder cette flexibilité-là. Mais oui, lorsque ça va bien, je dirais que les personnes peuvent en majorité faire mm-hmm. Les activités qu'ils aiment. C'est sûr que j'ai vu certains patients que la maladie, là, elle était plus intense et que les troubles physiques étaient plus élevés. Donc, j'imagine qu'à ce niveau-là, ça peut être un peu plus difficile. Alors, c'est vraiment très varié, mais je dirais que oui, là, c'est possible d'avoir une bonne qualité de vie. Et quand il y a ces cycles-là, donc il y a des périodes où les symptômes deviennent plus importants, ça semble se calmer, ça repart, c'est quoi la durée des cycles? C'est une bonne question. Je crois que la plupart du temps, c'est quelques semaines, une semaine ou deux, puis ça revient. J'imagine que parfois, ça peut durer un peu plus longtemps. Donc ça, c'est pour les cycles, mais il y a aussi une forme de la maladie où c'est plus progressif et que ça va être un petit peu à tous les jours là, dans le temps. Parce que dans ce cas-là, quand il y a un cycle, que ça va bien, on doit toujours avoir la crainte comme une épée de Damoclès quand va arriver, mauvais cycle va revenir. Ça doit être quand même assez stressant. J'imagine que oui. Par contre, il y a des traitements là qui existent, sont assez efficaces pour ralentir justement ces symptômes-là. Comme on disait tout à l'heure, c'est une maladie qui implique les cellules immunitaires, donc une réaction anormale contre notre propre gaine de myéline. Fait que les médicaments sont anti-inflammatoires à différents niveaux, puis ils peuvent, je dirais, sans empêcher les rémissions, comme les rendre vraiment plus rares. Fait que d'un côté, c'est vraiment une bonne nouvelle là, pour les patients de savoir qu'il y a un médicament qui est très efficace pour les aider. Toutefois, les médicaments les plus forts vont complètement bloquer le système immunitaire de ces personnes-là. Oui. Donc, ça peut les rendre plus à risque à différents types de maladies infectieuses. Mais encore là, il y a des moyens comme la vaccination, tout simplement de faire un peu plus attention. On a vu comment en tant que COVID, mais ils peuvent être capables jusqu'à un certain point d'éviter ces problèmes-là. D'accord. Donc là, les traitements, justement, donc c'est essentiellement des traitements anti-inflammatoires? Exactement. Donc, des traitements qui vont soit, comment je pourrais dire, empêcher les cellules de jouer leur rôle, comme ils vont tout simplement leur mettre des bâtons dans les roues, ou ça peut carrément comme restreindre les cellules immunitaires dans les organes d'où est-ce qu'ils viennent. Donc, oui, ça les empêche de se rendre jusqu'au cerveau, de se rendre jusqu'à la moelle épinière, puis de dégrader cette gaine de myéline-là, mais ça les empêche aussi là, de voir s'il y a des virus ou d'autres bébites qui nous attaquent. Ben oui, c'est ça. Et est-ce que, parce que tu dis que aussi ces patients-là, souvent, ont de la douleur aussi, donc est-ce qu'ils ont aussi des traitements antidouleurs associés aux traitements anti-inflammatoires? Exactement, c'est un très bon point. Donc oui, on a un traitement qui ralentit la progression de la maladie, mais on va avoir plusieurs traitements pour s'attaquer comme aux symptômes. Aux symptômes, exactement, comme des traitements antidouleurs qui peuvent être donnés. Il y a aussi différents trucs, je dirais, pour bouger, pour les muscles. Enfin, il y a une grande panoplie de traitements qui vont justement pallier à ces traitements anti-inflammatoires qui peuvent être très puissants. Et est-ce que, comme il y a une atteinte au système nerveux, finalement, si ça atteint la gaine de myéline, ça atteint le système nerveux, il y a ça touche le système locomoteur, peut-être les fonctions cognitives. Est-ce qu'il y a des entraînements ou des, je ne sais pas si on peut appeler ça des entraînements, mais des genres de programmes de soins pour continuer à maintenir une activité musculaire ou une activité cérébrale quand les fonctions cognitives ou locomotrices sont atteintes? Je sais que ces personnes-là peuvent bénéficier d'un suivi au niveau psychologique ainsi qu'au niveau, par exemple, d'un physiothérapeute qui peuvent les suivre dans le temps. Je dirais qu'à mesure tant qu'on est capable là, d'avoir certains progrès avec la maladie, je dirais que c'est possible. Mais je dois admettre toutefois connaître un peu moins ces fameux services-là. Mm-hmm. D'accord. Alors là, j'ai dit au tout début que tu travaillais, que tu es étudiant à la maîtrise dans le laboratoire de Steve Lacroix. Lui, donc le professeur Steve Lacroix, toute l'équipe, toi et puis les autres, vous travaillez spécifiquement sur la sclérose en plaques? Exactement. Dans le fond, nous, on est basé au Centre de recherche du CHU de Québec, puis on travaille vraiment sur ce qu'on appelle la neuroinflammation, donc une réponse immunitaire dans le cerveau. Alors oui, la sclérose en plaques est l'un de nos grands axes. Fait que nous, toutes nos études se font autour d'une petite protéine qui s'appelle l'interleukine 1 bêta, ou tout simplement IL-1 bêta. Ouais. Puis on a vu là, que cette protéine-là, elle est vraiment impliquée dans tous les processus de la maladie. Fait que l'entrée des cellules immunitaires dans le cerveau, quand ils vont amplifier justement cette réponse immunitaire contre la gaine de myéline, on a aussi vu que ça a un lien avec la douleur chronique. Alors c'est vraiment une protéine qui est importante, puis nos axes de recherche vont essayer de comprendre comment est-ce que la protéine est utilisée dans la maladie, puis au final on veut essayer de la bloquer pour avoir des nouveaux traitements éventuellement contre la maladie. Mm-hmm. Et cette protéine là, donc IL-1 bêta, ouais. OK. Mais normalement, dans le corps, elle sert à quoi? C'est une protéine qui, en termes généraux, c'est une protéine qui va amplifier ce qu'on appelle l'inflammation. Donc, l'inflammation, c'est une réponse de nos cellules immunitaires contre un microbe. Donc, je vais donner là l'exemple de la COVID-19. On en a entendu parler assez souvent. Par exemple, si le virus arrive, nos cellules vont reconnaître qu'il n'est pas supposé d'être là, ce virus-là, que c'est un ennemi. Fait que pour appeler des renforts, par exemple, les cellules immunitaires vont relâcher l'IL-1 bêta. Puis ça va activer les autres cellules autour pour justement générer une attaque contre ce virus-là. Donc, en temps normal, c'est une protéine qui est bonne. Mais lorsqu'on parle de sclérose en plaques, c'est une attaque contre notre gaine de myéline à nous. Donc là, c'est une mauvaise réponse immunitaire. Alors, à ce moment-là, c'est là qu'on veut la bloquer. Donc, c'est là qu'on veut la bloquer, mais que ce faisant, ça va aussi affaiblir notre propre système immunitaire. Exactement. On peut s'attendre à un affaiblissement, mais on espère que ça soit moindre que de restreindre tout un pan de nos cellules immunitaires dans leurs organes, par exemple. Mais là, vous êtes combien au laboratoire donc de Steve Lacroix? Vous travaillez tous sur cette fameuse IL-1-bêta? Il y en a certains d'entre nous qui travaillent sur son petit frère, l'IL-1-alpha, mais nous sommes au total 7 étudiants à la maîtrise au doctorat. On est 3 professionnels de recherche là, qui nous aident dans nos expériences, puis on a bien entendu le docteur Steve Lacroix qui nous supervise. D'accord. Et alors, toi plus particulièrement, parce que il y a cette fameuse protéine, mais vous ne devez pas tous travailler exactement sur la même chose, sur cette protéine. C'est là qu'on voit finalement comment la recherche peut être assez complexe, parce que... Puis sans doute qu'il y a d'autres laboratoires qui travaillent sur d'autres aspects de la sclérose en plaques. Donc exactement. Vous concentrez sur la IL-1 bêta. Et vous êtes plusieurs donc à décortiquer, à explorer cette protéine. Qu'est-ce que tu fais toi en particulier? Dans le fond, l'IL-1 bêta, pour qu'elle puisse là, jouer son rôle, elle doit être activée par les cellules. Donc, mon but, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que nos cellules immunitaires là, vont activer l'IL-1 bêta pour qu'elle puisse jouer son rôle. Donc, en temps normal, qu'elle nous aide à combattre les virus. Mais en sclérose en plaques, elle est pas fine. Dans le fond, elle va mener à la dégradation de la gaine de myéline. Fait que moi, je veux comprendre comment qu'elle est activée pour trouver des candidats qu'on aimerait ultimement bloquer avec des traitements. Puis si tout cela fonctionne, là, bien entendu, on aimerait pouvoir amener des pistes là, de traitement chez les patients. Et tes collègues, qu'est-ce qu'ils lui cherchent à la IL-1-bêta? Mes collègues vont s'intéresser à son rôle dans d'autres contextes, par exemple à la douleur chronique. On a vu que l'IL-1-bêta pourrait activer des neurones qui sont responsables là, de nous faire ressentir de la douleur. On a aussi vu que l'IL-1-bêta aurait un rôle... Elle contribuera en fait à créer un environnement toxique pour les neurones. Donc, on essaie de comprendre comment est-ce qu'elle agit sur les cellules, c'est quoi qui se passe chez ces cellules-là, qu'est-ce qu'elles vont relâcher de toxique pour les neurones pour ultimement empêcher là, la création de cet environnement-là toxique. D'accord. Donc, il va falloir que tu reviennes une autre fois pour nous préciser, pour nous décortiquer un peu plus précisément ta recherche. Bien entendu, c'est un sujet qui est bien assez large pour ça. Ouais, j'ai l'impression. Là, tu fais ta maîtrise là-dessus. Est-ce qu'ensuite, en fait, t'es au début de ta maîtrise, à la fin de la maîtrise, t'en es où? Je suis environ au milieu de ma maîtrise. Je prévois finir là au printemps prochain. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, je prévois continuer au doctorat, toujours chez le docteur Steve Lacroix, pour justement essayer de comprendre encore plus c'est quoi le rôle de l'IL-1-bêta, puis essayer de la bloquer là, comme il faut. Alors, je pense qu'on va avoir l'occasion de te réinviter au micro de Futur Simple, Maxime, pour nous expliquer plus dans le détail ta recherche sur cette fameuse IL-1-bêta et son rôle dans la maladie de la sclérose en plaques. Ça me fera grand plaisir. Alors, merci beaucoup, Maxime. Merci à toi, Valérie. Je rappelle que Maxime Cusick est étudiant à la maîtrise en médecine moléculaire au laboratoire de Steve Lacroix au Centre de recherche cerveau qui est affilié à l'Université Laval. On va faire une petite pause sur CKRL 89.1 et au retour, on change totalement de direction pour plonger dans les entrailles de la Terre.